et de participation au monde numérique. Mais j'aimerais d'abord vous parler, en fait, vous détailler les consignes pour le travail qui sera évalué. Alors, les consignes détaillées sont en ligne dans l'UV. Il y a une section évaluation qu'on a faite. Vous allez trouver ça, mais avec un document, un PDF en plus, où vraiment on vous donne des précisions. Le travail que vous avez à faire, en gros, c'est un travail en groupe, donc un travail d'équipe, qui vous sert, qui est une sorte de travail un peu de mi-parcours, pour vous entraîner en vue de l'examen final, qui comportera un exercice un peu du même genre, mais que vous devrez faire de façon individuelle. Donc c'est un travail d'équipe, on vous demande de vous mettre en équipe de 4, et vous devez rédiger une analyse du cas, alors cas de votre choix, je vais revenir un peu sur des précisions à ce propos, et faire une analyse qui sera en lien avec l'une des thématiques vues dans les premiers cours. Autrement dit, en fait, l'intégralité de la matière qui fait partie des cours ou également des discussions que vous avez eues lors des exercices peut servir à analyser le cas que vous allez choisir en équipe. Donc, ça, c'est un peu la consigne générale. Vous avez donc un format de entre 2000 et 2000. Donc 2000, ça veut dire un minimum. 2500, c'est le maximum. Donc ça, c'est la longueur, en fait, attendue du travail que vous devez réaliser, donc, à 4. Est-ce qu'il y a des commentaires? Des questions? Donc, dans les consignes détaillées, en fait, ce que l'on attend de vous et ce qui est en ligne dans l'UV, qui n'apparaît pas sur l'écran, mais que je vais vous commenter en live, c'est que, bon, premièrement, ce travail, comme il était mentionné dans le plan du cours, il vaut pour 20% de l'ensemble de l'évaluation de la matière. D'accord ? Donc c'est vraiment une des pondérations de l'évaluation. Le type de cas que j'attends, donc c'est un choix ouvert, vous pouvez travailler, il n'y a pas de cas imposé. Si vous avez du mal à trouver un cas qui vous semble pertinent en équipe, vous pouvez nous contacter, on peut vous aider à essayer de trouver un cas donc, qui comporte des enjeux de communication, qui serait adéquat pour réaliser l'analyse. Sinon, ce qu'on attend au niveau du cas, ce qui est indiqué dans les consignes qui sont en ligne dans l'UV, c'est qu'il doit s'agir essentiellement d'un problème de communication ou d'une controverse au sujet d'une communication qui a lieu, qui a pris racine sur des plateformes numériques. Donc ici, on est dans le numérique au sens large. Autrement dit, ça peut inclure tout ce qui est de l'ordre des médias sociaux, réseaux sociaux numériques, mais aussi le numérique au sens de l'utilisation de la technologie, exemple de l'hologramme utilisé par Mélenchon, par exemple, dont une partie de la classe a discuté mercredi. Donc, ce qui compte, c'est vraiment qu'il y ait des enjeux, en fait, de communication qui vous apparaissent, et il peut s'agir d'un cas qui implique soit une organisation privée, une entreprise, ou des personnalités publiques, des collectifs ou des individus. Donc c'est vraiment large comme capacité de choix. Ça peut concerner un secteur d'activité que vous voulez. Ça peut être plutôt du politique, de l'écologie, du social, du artistique, etc., etc. Donc sur le plan de la présentation, on vous demande une longueur de 2000 à 2500 mots et vous devez également fournir en annexe les références bibliographiques sur lesquelles vous appuyez votre propos. Donc on n'attend pas seulement de vous que vous développiez une opinion et un argumentaire seulement fondé sur les opinions de l'ensemble de l'équipe, mais aussi que vous fassiez des liens bien sûr avec les contenus en cours, donc avec certains auteurs, certaines théories, en les confrontant, en les remettant en question ou en disant que tel phénomène ou telle caractéristique du cas que vous étudiez fait écho à telle théorie que l'on a pu voir entre autres. Donc, bibliographie à insérer et également vous pouvez, si vous le souhaitez, inclure des illustrations, c'est-à-dire par exemple des captures d'écran, etc., qui permettent d'appuyer ou de concrétiser votre propos si vous le jugez adéquat. Dans les éléments que l'on attend, dans le travail, donc un petit peu la structure en fait, de présentation du travail, pour ceux qui ont leur écran sous les yeux et une connexion qui fonctionne, vous pouvez directement aller consulter le document dans l'UV. On attend d'abord que vous mettiez, que vous exposiez en fait le cas sur lequel vous allez travailler, donc que vous fassiez une mise en contexte. Autrement dit, que vous précisiez à quel moment le phénomène ou le cas de communication que vous allez traiter a eu lieu, quel protagoniste il implique dans des entreprises, des personnes privées, etc. Dans quelle sphère d'activité ou quel secteur d'activité il a lieu, et est-ce qu'il y a des antécédents? Autrement dit, est-ce que par exemple une campagne socio-numérique de la part d'un politique sur certains réseaux vient du fait que d'autres concurrents se sont mis à utiliser ces réseaux et que donc par ricochet ou par réponse, le candidat en question s'est lui aussi mis sur ces réseaux-là, etc. Deuxièmement, vous devez chercher à problématiser le cas que vous étudiez. Alors ici, donc, ça fait écho un peu à ce qu'on voit en cours de métaux. Je ne vous demande pas de faire une problématique intégrale avec la pertinence sociale, scientifique, etc. Mais bien d'identifier quels sont les enjeux de communication qui traversent le cas exposé. Et donc d'identifier aussi à quel concept, potentiellement, avec quel concept plutôt il peut être mis en parallèle. Donc quels sont les enjeux de communication et quelles sont les implications en fait théoriques ou conceptuelles du cas que vous allez traiter. Et troisièmement, on vous demande de discuter, donc, d'analyser ce cas en le discutant. Donc dans quelle mesure il traduit les concepts vus, dans quelle mesure il s'y oppose, est-il une exception, est-il un exemple? Et également, on vous demande d'évaluer comment ou dans quelle mesure les protagonistes du cas choisi semblent faire preuve de réflexivité, autrement dit, semblent maîtriser en fait les dimensions du numérique, être par exemple sensibles ou conscients des capacités d'appropriation, de la créativité, de la force multiple, etc. Bref, tous les principes en fait qu'on a vus au fil des cours, est-ce que d'après ce que vous observez dans le cas que vous aurez choisi, les protagonistes semblent en être conscients, les utiliser ou pas? Donc vous devez avoir une sorte un peu d'évaluation critique sur ce que les acteurs sociaux font avec le numérique. Pour les normes de présentation, autant du texte de la discussion que de la bibliographie, on vous demande de respecter les normes usuelles de l'ULB. Donc en gros, vous vous appuyez sur les normes de présentation qui sont déjà mentionnées dans le vademécum du mémoire. En nombre de mots par page à peu près, police à utiliser, etc. Vous vous appuyez vraiment sur le vademécum, d'accord? Pour que l'objectif étant en fait de vous entraîner à n'utiliser que ces normes-là. Pour après ça, quand vous passez dans le mémoire, en fait, avoir déjà cette habitude. Donc c'est la même chose pour les références bibliographiques. On vous demande aussi de les citer en entier et selon les normes de présentation scientifique. D'accord ? Sur le plan de l'évaluation, donc de la notation en fait, de cet exercice collectif-là, en équipe plutôt, on vous... Il y a quatre critères en fait d'évaluation, sachant qu'en fait c'est un travail qui sera noté sur 20 et que vous avez une partie des points qui correspondra au respect des consignes, donc en longueur, en identification du cas, que ce soit pertinent, etc. Ça vaut pour 3,5 points. Vous avez 7 points qui sont alloués à l'argumentation, donc à une interprétation pertinente des enjeux de communication, à la justification aussi l'identification des enjeux, et si possible et si c'est pertinent, à la comparaison que vous pouvez faire entre le cas choisi et des cas similaires ou des cas contraires. Donc si vous trouvez par exemple qu'une entreprise semble avoir utilisé les potentiels du numérique de façon extrêmement novatrice et dans une relation bidirectionnelle, symétrique avec ses publics, etc., à ce moment-là, vous pouvez dire que c'est un contre-pied à ce que certaines entreprises n'arrivent pas à faire ou à ce que des structures étatiques n'arrivent pas à faire avec leur public, etc. Donc ça, 7 points pour l'argumentation avec justification et 7,5 points sur les assises théoriques c'est-à-dire sur les liens que vous ferez entre votre argumentation et les théories et concepts vus en cours. Donc vous devez, l'objectif c'est que vous mettiez en lien les assises théoriques vues en cours et que vous fassiez des ponts entre un cas concret, comme vous l'avez fait en fait, et comme vous le faites dans les exercices, que vous fassiez le pont entre des cas concrets et la théorie. Et enfin, le dernier critère d'évaluation, c'est la langue. Puisque, donc, comme c'était précisé en cours, vous êtes en communication, l'utilisation correcte de la langue, c'est un gage de, premièrement, de pertinence dans votre domaine professionnel que vous avez choisi, et c'est également un gage de crédibilité pour une argumentation qu'on développe. Donc, il y a, en fait, il y a une pénalité qui s'applique aux fautes de langue à hauteur de 2 points maximum qui peuvent être enlevés. Donc, si vous n'avez pas de faute, donc pensez à faire ça, et surtout pensez à bien vous relire et à, bon, au-delà de vérifier des fautes, à vérifier que vous n'avez pas laissé de coquilles, qu'il n'y a pas de faute de frappe, etc. Donc normalement à 4, vous êtes capable de relire avec des regards croisés, etc. Cette étude de cas, on vous demande de vous la remettre le vendredi 31 mars en format papier, donc lors du cours du vendredi 31 mars. Et on vous demande aussi, bien sûr, je pense que c'est valable dans les autres cours, d'imprimer recto verso afin d'épargner quelques arbres. Est-ce que vous avez des questions ? Est en train de recevoir une réponse directe. D'accord, ok. Sinon, vous pouvez venir me voir à la pause ou à la fin du cours pour des questions plus pointues, mais en principe, avec les consignes détaillées, ça vous donne aussi un peu un plan à suivre. Alors, aujourd'hui, en fait, on va passer en revue les parties du cours sur lesquelles nous n'avions pas eu le temps, de voir ensemble la semaine dernière, étant donné que nous avions une invitée surprise et que j'avais profité de sa présence à Bruxelles pour la ramener dans le cours. Mais donc ici, en fait, je voulais qu'on revienne sur des éléments, notamment concernant l'aspect d'espace public ou le potentiel du web et du numérique en général comme peut-être nouvel espace public. Donc on a déjà parlé public privé que Dominique Cardon avait abordé dans l'article que vous aviez à lire pour la semaine dernière. Ici, la question de savoir si le numérique et en particulier les médias sociaux numériques forment un nouvel espace public, c'est à mettre en relation justement avec cette négociation entre une forme de communication qui est plutôt de type interpersonnel, donc de personne à personne, et une prise de parole qui se fait de façon publique, c'est-à-dire devant potentiellement une masse ou des collectifs d'individus que l'on ne connaît pas forcément. Sachant que donc la personne, par exemple, si on a une interaction sur Twitter avec quelqu'un, a priori on parle à cette personne, si elle nous a interpellé, on lui répond, mais en même temps notre réponse devenant d'emblée publique et visible et par nos abonnés et par potentiellement les abonnés de l'autre personne, etc. Il y a donc une démultiplication des personnes avec lesquelles on rentre potentiellement en communication. Lorsqu'on parle d'espace public, bien sûr, on fait en sciences de l'information et de la communication écho à un auteur en particulier, qui est Habermas. Donc Habermas, vous l'avez vu normalement dans votre formation en première, mais vous continuez peut-être à le voir. Si je vous demande les caractéristiques de l'espace public selon Habermas, comment le définiriez-vous ? Alors, je vais commencer la question autrement. Connaissez-vous Habermas ? Oui. Alors, si oui, qu'est-ce qu'il a fait, Habermas, et qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que vous vous rappelez de mots-clés ou de notions, à part justement les termes espace public, ou est-ce que vous avez des associations qui se font en ce qu'on dit espace public? Pas noté, hein, les réponses, improvisées. Personne? Oui, il y a l'agir communicationnel qui est aussi effectivement l'un des pivots de la pensée habermasienne, qui a un rapport, parce qu'il est invoqué dans sa réflexion théorique, mais de façon plus précise sur la notion d'espace public, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé en cours? Ok. Alors, cette notion d'espace public, elle est importante lorsqu'on pense au numérique, aux enjeux numériques de la communication, parce que, en fait, la définition de l'espace public, telle que l'a formulée Habermas, elle part, en fait, de la conception d'une interface, d'un espace qui va servir d'intermédiaire, de lieu de médiation entre, d'un côté, la société et, de l'autre côté, le politique ou le décisionnel. La pensée d'Habermas par rapport à l'espace public, c'est d'abord une pensée qui est plutôt politique, donc qui s'interroge, qui cherche à comprendre le fonctionnement et la communication, le passage en fait d'idées ou de revendications depuis la société, la population, vers des espaces de décision ou des espaces de pouvoir, donc essentiellement politiques. Donc en ce sens-là, il y a eu des rapprochements de faits dès le développement du numérique, de l'internet en particulier et des médias sociaux, parce que on s'est dit c'est une forme d'accessibilité en fait à une population plus large, à une communication peut-être avec les dirigeants, avec les entreprises, etc. Donc ça offre une possibilité de se plaindre, de faire des revendications de manière plus large. Ça offre aussi une possibilité de faire connaître ces revendications. Donc de faire davantage de publicité. Au sens habermasien du terme, la publicité, c'est pas juste le marketing, je fais la publicité, je tourne un spot publicitaire dans lequel je me mets en scène, mais c'est plutôt, en fait, la mise en visibilité de certaines idées, de certaines causes, pour les faire connaître à un ensemble de la population, afin, potentiellement, d'améliorer ou de permettre en fait une cohabitation collective ou un mieux-être collectif. Donc il y a l'idée d'une transformation potentielle de la société ou du moins d'un système de régulation, d'adaptation de la société qui va se faire via ce qu'il appelle donc cet espace public. C'est-à-dire donc, un espace dans lequel transitent les idées, les revendications de la société vers le public. Cette notion d'espace public, elle fait aussi écho aux approches pragmatiques de la communication qui ont été développées aux États-Unis notamment dans les recherches sur la communication. Lorsque je vous parle d'approche pragmatique de la communication, est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que vous avez déjà côtoyé ça dans les cours? Oui. Est-ce que vous avez des auteurs dont vous connaissez l'approche qui vous associe à l'approche pragmatique? C'est de la révision un peu ardue du passé théorique que vous avez peut-être rencontré. Ok, Walter Lippmann, John Dewey. Sont deux penseurs, chercheurs américains qui ont contribué contribuer aux recherches en communication aux États-Unis dans des perspectives que l'on appelle pragmatiques, puisqu'ils partaient en fait de l'observation de cas concrets, de changements concrets dans la société, essentiellement liés notamment à l'industrialisation, au développement des technologies et donc au développement d'une médiatisation de masse ou de phénomènes médiatiques de masse, pour développer par après des théories ou du moins des systèmes en fait d'abstraction pour représenter la société. Donc ce sont des chercheurs que l'on appelle pragmatiques parce que en fait ils partaient vraiment de l'observation de cas particuliers pour en dégager, tenter d'en dégager plutôt des approches théoriques. À l'inverse de plutôt ce qui se développait si on schématise un peu les choses, ce qui se développait plutôt en Europe notamment et qui était plutôt de développer de la recherche plus théorique pour essayer d'appliquer celle-ci sur certains cas particuliers, notamment des phénomènes médiatiques que l'on voyait apparaître ou se développer. Dans leurs approches, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils se sont beaucoup préoccupés de la communication médiatique et notamment des effets que les médias pouvaient avoir sur la société et sur la population, sur les citoyens. Ce sont des auteurs qui s'appuyaient notamment sur les modèles que l'on dit plutôt linéaires de la communication. Donc, modèle linéaire de la communication, Shannon et Weaver. Voilà. Donc, Shannon et Weaver, qui sont rattaché au modèle linéaire simple de la communication. Donc, si vous vous rappelez, il y a en gros la source d'information, il y a l'émetteur à partir duquel on code, la langue qu'on va utiliser, l'outil qu'on va utiliser pour communiquer, un ordinateur pour écrire un mail, le téléphone, etc. Il y a le canal, c'est-à-dire les tuyaux, le combiné, etc., qui fait voyager l'information. Il y a ici le récepteur qui décode, qui nous aide à décoder. Et il y a le destinataire. C'était de voir qu'on part d'un point A, qui est la source, qui va envoyer un message à un destinataire B. Shannon et Weaver, leur objectif, c'était de voir l'efficacité de la transmission du message du point A vers le point B. Donc, dans quelle mesure est-ce que le message transmis va avoir subi des changements, des altérations, etc., en fonction du trajet qu'il a suivi. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle linéaire simple parce que l'on se préoccupait uniquement donc de ce passage de A à B. L'autre modèle sur lequel dont s'inspirent en fait les penseurs qui ont par après influencé aussi Habermas, c'est notamment la Swell. Des questions ? Oui ? Donc, si on traduit en français, qui dit quoi ? À qui ? Et comment ? Par quel moyen ? On peut mettre par quoi ? Et avec quel effet ? Un modèle qu'on qualifie aussi dans les théories de la population linéaire, mais qui est plutôt un modèle que souvent on va rapprocher, enfin qu'on nomme le modèle de la communication de masse. Pour la SWEL, la question c'est pas tant en fait de vérifier dans quelle mesure le message qu'on veut envoyer passe bien au destinataire, c'est plutôt de se dire, c'est un modèle qu'on appelle fonctionnaliste, c'est-à-dire que lui en fait son questionnement c'est de se dire que bon, le message, a priori, tout message qu'on a, on est en capacité à la base de le transmettre correctement. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce qui l'intéresse, c'est à qui sert le message, à qui profite le crime. Autrement dit, en fait, il est fonctionnaliste parce que pour lui, l'information que l'on va transmettre à une personne en particulier, par un canal en particulier, avec des effets qui vont varier, ce message-là, il représente un certain, des intérêts, en fait, il est porteur d'enjeux pour le récepteur, pour potentiellement, pour évidemment aussi l'émetteur, mais également, donc, il peut avoir toutes sortes d'influences au fil de son trajet ou à sa réception. Donc ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'intégrité du message, c'est plutôt donc à qui sert le message. Donc ici, préoccupation pour la communication de masse, ici, préoccupation pour la circulation en fait, de l'information. Dans les deux cas, en fait, ces auteurs-là, ils ont influencé Lippmann et Dewey parce que, justement, eux se sont interrogés, après ça, sur donc, l'influence que produisaient les médias, notamment, dans le cas de Lippmann, sur la façon de véhiculer ou d'entretenir des stéréotypes. Puisque pour lui, en fait, Lippmann s'intéressait surtout à la formation de l'opinion publique. Et donc dans sa conception qui s'inspirait de ce message linéaire-là, il y avait un potentiel très fort d'influence du destinataire, d'effet sur le destinataire, à partir du moment où quelqu'un émet un message. Donc dans sa conception, les médias influencent l'opinion publique et ont donc une énorme responsabilité en fait en démocratie, si on simplifie. Si vous vous rappelez aussi, en fait, ces modèles-là, notamment, en fait, ces préoccupations pour l'influence et les effets directs et massifs des médias, c'est ce qu'on appelle aussi le modèle de la seringue hypodermique. Oui. Donc, toute la pensée par après d'Habermas, toute cette recherche, cette vision conceptuelle, en fait, d'un espace public transiterait les préoccupations, les idées venant de la société pour aller vers le politique, c'est lié à cette préoccupation d'une influence potentielle directe et très massive que les médias pourraient avoir sur l'opinion publique. Et donc sur le maintien de certaines idées, de certains stéréotypes, d'un état en fait, de statu quo qui lui semblait problématique. Donc dans cette préoccupation-là, Habermas, en fait, donc on pourrait dire qu'a priori, il serait plutôt favorable aux médias sociaux parce que les médias sociaux, ça permet à davantage de monde d'avoir accès à plus d'informations, mais aussi à davantage de monde d'exprimer leurs revendications et donc de faire circuler, en fait, leurs besoins, leurs idées vers, justement, des sphères décisionnelles. La nuance qu'il faut apporter ici, c'est que Habermas, dans le développement en fait, de ses réflexions théoriques notamment, en fait, avait tendance à critiquer l'élargissement de la sphère publique. Ce qui est une contradiction en fait, qu'il lui reprochait. Parce qu'en gros, il voyait comme un problème le fait que, par exemple, les médias participent à une forme de statu quo ou gardent un peu la mainmise ou une influence qu'il voyait comme une mainmise sur les opinions de la population. Mais d'un autre côté, en fait, pour lui, le fort développement de la communication, des outils de médiatisation, etc., posait aussi problème parce qu'il y voyait potentiellement un danger ou un effet pervers qui était qu'il y allait avoir de plus en plus de compromis qui allaient être passés entre des intérêts opposés. Donc, autrement dit, pour lui, l'élargissement de la sphère publique allait faire en sorte qu'il allait avoir des alliances entre des personnes, des organisations, des structures qui incarnaient au départ des idées, des intérêts opposés. Et que donc, au lieu en fait, de dépasser les oppositions en discutant, en négociant, etc., en fait, il allait avoir une cohabitation d'intérêts divergents qui, pour lui, entraînerait un déclin de la sphère publique. Oui. Dans la pensée, donc là je parle de la pensée d'Habermas, hein, qui n'est pas forcément. Mais dans la sienne, par exemple, le fait qu'on prend les médias sociaux, le fait que peuvent coexister sur les médias sociaux une revendication de certaines idées qui vont, par exemple, défendre je prends l'exemple des armes à feu, c'est peut-être pas le meilleur, mais la réglementation des armes à feu versus d'autres qui vont au contraire faire l'apologie de la déréglementation de la vente des armes à feu, de la circulation des armes à feu. Pour lui, en fait, cette coexistence entre deux groupes d'intérêts opposés qui ont le même accès à l'espace public, c'est-à-dire que bah, tout le monde peut se créer le nombre de comptes qu'il veut, potentiellement, pour essayer d'influencer l'opinion. Mais lui, en fait, cet accès qui est donné autant à l'un qu'à l'autre va donner lieu à des sortes de compromis qui font que on va tolérer en fait que deux revendications complètement opposées, qui défendent des intérêts aussi opposés, vont cohabiter sans qu'il y ait de limites en fait forcément dressées contre l'un ou contre l'autre type de discours. Est-ce que c'est lui, il serait totalement plus de communautaire. Dans quel sens? Puisque par exemple dans les télévisés, pas en Belgique mais par exemple en France, on laisse Marine Le Pen à côté des débats avec des gens qui ont décidé de s'imposer à elle, alors qu'en Belgique, on interdit complètement ce système-là de mettre des personnes qui ont des idées totalement opposées sur même. Donc, c'est ce que vous appelez un combat sanitaire en fait? Oui, enfin, le terme est. Donc, c'est la. En fait, est-ce que ce sont les médias qui régulent cela eux-mêmes ou est-ce que c'est dans la loi? Non, c'est les médias. C'est un processus d'auto. Francophone uniquement. Parce qu'en France, c'est autorisé. Oui, parce que comme il y a le place de l'AC qui est là et qui est à moi, il a des grosses corrélations électoraux, il va être obligé de faire un peu moins. D'accord. Qui a changé, qui a été une altération. D'accord. Effectivement, pour lui, ce sera exactement un exemple type de ce qui lui pose problème. Mais d'un côté, il revendique le fait qu'il faut avoir davantage d'accès à plus de monde, et de l'autre, en fait, il voit des endroits où ça peut poser problème, parce que, en fait, les forces vont avoir autant de potentiel de communication, mais pas forcément la même légitimité à ses yeux, ou pas forcément des intérêts louables envers la société. Donc, en fait, il y a des rapprochements à faire entre, effectivement, les opportunités données par le numérique à un plus large public, cet élargissement public-là, et en même temps, il y a des limites aussi avec sa pensée qui viennent donc de ce qu'il voyait comme donc, des compromis passés entre des forces ou des intérêts opposés. Donc, quand vous tombez sur des textes qui mettent en commun les espaces numériques avec l'espace public à la Habermas, sachez qu'il y a des nuances à apporter sur ce rapprochement-là, nuances qui sont discutables et sur lesquelles vous pouvez revenir, mais il faut que vous sachiez donc que c'est pas synonyme en fait, c'est pas si simple de percevoir le numérique à travers ces lunettes-là. Vous aviez dans le texte de Cardon qui donc parlait public et privé une référence aussi à un auteur qui s'appelle Solove, qui a écrit notamment sur la notion du secret. En fait, c'est un juriste américain. Et ce à quoi il s'est attaqué, c'est que donc il a fait la nuance entre ce qui était de l'ordre du privé et ce qu'on appelle de l'ordre du secret. Cette nuance-là, en fait, il l'apporte et il la développe pour essayer de correspondre, ou du moins d'avoir une pensée qui corresponde à ce qui se passe sur les médias sociaux dans la frontière, en fait, qui viendrait s'émousser entre ce que l'on appelait le domaine public et ce que l'on appelle le domaine privé. Puisque, comme on l'a vu, il y a un dévoilement de soi, il y a du clair-obscur, on va raconter des anecdotes, on se théâtralise, on se met en scène, etc., etc. Donc, ce qui était de l'ordre plutôt du domaine privé tend, d'après lui, à devenir un petit peu plus public, ou du moins à naviguer dans une zone de clair-obscur. Et Solove, en fait, lui s'attaque à partir de là à l'argument du « je n'ai rien à cacher », donc ça ne dérange pas que mes données soient potentiellement disponibles sur le numérique. On a parlé dans le cours précédent des traces numériques, donc de l'identité numérique qui se construit en fait par tous les détails, toutes les traces, les données qu'on laisse au fur et à mesure de nos passages. Si vous vous rappelez, je pense que le groupe 1 en a parlé peut-être dans les exercices de mercredi, Françoise Paquin-Segui avait été interviewée à un moment donné pour faire la distinction entre déterminisme social et déterminisme technique ou technologique. Et elle avait fait justement la distinction où elle avait insisté sur le fait que l'identité numérique, c'est à la fois un construit qui est social, au sens de construction sociale de la réalité, mais c'est un construit aussi qui n'est pas forcément, que nous ne gérons pas nécessairement socialement, puisque c'est un construit algorithmique, qui est aussi un construit technique. Et donc, pour Solove, justement, la distinction, la nouvelle façon de percevoir, de concevoir le privé serait de parler de secret, puisque ce serait des informations que l'on choisit de ne pas mettre en ligne, de ne pas donner, ou auxquelles on choisit de ne pas donner accès de façon numérique. C'est lorsque l'on vous demande de remplir un formulaire, refuser de, par exemple, remplir certaines sections, parce que vous dites qu'après ça, ça va être dans une base de données qui va être réutilisée par des entreprises, etc., etc. Donc là, on est dans l'ordre du secret, et en fait, ce que Solove défend, donc lui d'un point de vue juridique, c'est le fait que les personnes, que d'après lui, donc on doit rester vigilant sur sur le don de données que l'on fait en fait au numérique sur nous. Pour lui, en fait, l'utilisation que l'on peut faire de nos traces numériques, c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux, ou du moins sur lequel donc il faut être vigilant, parce que il existe des phénomènes de l'ordre de ce qu'on appelle le data mining que vous avez peut-être déjà vu et qui, donc d'après lui, peuvent entraîner une construction nuisible pour un individu. Alors le data mining, si je devais vous demander vite fait de résumer ce que c'est, ce sont des termes que vous avez déjà passés dans des textes ou dans des discussions. Ok. Donc ici, le terme mining, ça fait référence à une extraction ou à un forage de données, à vos souhaits. Et cette expression-là, en fait, le data mining, elle est souvent associée à la notion de big data. Donc, je caricature ici, on reviendra de façon plus nuancée, mais au fourmillement en fait, potentiel de données, au brassage de données potentiellement disponibles sur tout un ensemble de populations, structures, etc. Qui fait que ça donne une infinité potentielle de calculs, d'algorithmes, et donc d'effets ou d'influences numériques sur des constructions. Ce qu'on appelle le data mining, de façon très concrète, c'est par exemple donc, une entreprise qui va vous vendre, je ne sais pas, une nouvelle cuisine et qui va vous demander, vous appeler, vous demander de donner votre adresse mail, par exemple. Donc, qui fait un sondage sur votre satisfaction après avoir installé la cuisine. Là, il prend votre adresse mail, etc. Cette adresse mail, ça va être listé potentiellement chez un partenaire qui a aidé l'entreprise à bâtir son sondage. Cette base de données chez le partenaire qui a aidé à construire le sondage va être... Est-ce que vous avez une nuance à apporter ? Donc, ces données-là, en fait, qui ont été recueillies par une entreprise dans un objectif prévu, elles vont se retrouver dans une base de données. Elles vont permettre à une autre entreprise qui le voudrait d'aller mettre en perspective ou de croiser les données qui vous concernent, votre nom, votre adresse mail, avec potentiellement d'autres traces que vous avez laissées. Votre CV en ligne dans une entreprise dans laquelle vous avez travaillé à un moment donné, les tweets dans lesquels vous avez utilisé plusieurs fois tel hashtag, bref, toutes les données, en fait, qui forment des traces numériques à partir desquelles on peut définir votre identité numérique. Donc, ce data mining, c'est une construction, hein, c'est un calcul, en fait, à partir de données éparpillées qui sont utilisées dans un but souvent marchand, en fait, ou dans un but encore politique, afin de définir qui vous êtes et de potentiellement prédire vos préférences et donc vos actions, actions d'achat, actions électorales, etc. Donc, dans la préoccupation de Solov pour l'idée de secret, en fait, c'est que, d'après lui, enfin, ce contre quoi il voulait nous mettre en garde, c'est que, au moment de... lorsque vous voyez, par exemple, le débat sur la protection des données personnelles, sur potentiellement le fait qu'on expose notre vie privée, que c'est dangereux, etc., et tous les débats sur la NSA, sur le fait qu'on les écoute, etc., etc., un contre-argument, en fait, aux inquiétudes sur cette exploitation des données personnelles, c'est le fait que, ben, de toute façon, on n'a rien à cacher. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème d'être écouté, puisque je ne prépare pas d'activité néfaste à un État, je n'ai pas de casier judiciaire, etc., etc. Mais Solov, lui, ce qu'il souligne, c'est que, en fait, sur un plan de la construction identitaire, à partir du moment où vous avez accès à un nombre assez infini d'éléments sur une personne, vous pouvez toujours construire ou mettre de l'avant certains défauts de la personne qui potentiellement vont faire qu'en fait elle se retrouve sur la sellette ou qu'on peut l'accuser d'avoir eu telles intentions, d'avoir participé de façon indirecte à tel ou tel événement ou telle ou telle action. D'où le fait qu'il fait cette distinction entre privé et secret, puisque à partir du moment où quelque chose a été mis en ligne sur un espace qui est potentiellement public, c'est potentiellement utilisable, en fait, dans pour du data mining ou autre chose, qui en fait va être dirigée, qui va prendre une orientation selon les personnes qui ont demandé l'étude. Est-ce que ça vous semble clair ? Est-ce que ça vous semble réaliste, pessimiste, paranoïaque Pardon ? Alors, on s'est rembobiné. Avec des orientations, en fait, qui sont fonction de la personne, la structure qui a commandé l'étude ou qui fait ce calcul-là. Donc, en fait, ces données, elles sont interprétables, finalement. C'est ce contre quoi Solov met en garde, et d'où le fait qu'il préfère parler de dimension, en fait, du secret pour distinguer ce que l'on choisit, ce que l'on protège vraiment et que l'on n'expose pas du tout sur un environnement numérique, versus ce qui est de l'ordre, que l'on considère comme étant du privé, mais que l'on a quand même mis sur une plateforme X ou Y, et qui donc potentiellement peut être utilisé par des outils comme le DOM, sur des principes comme le data mining. Donc, ce qui fait en sorte que, en fait, j'aurai un déplacement du domaine privé, une requalification du domaine privé, et donc on parlerait d'un nouveau cloisonnement de l'intime, en fait, qui aurait des degrés différents selon qu'on est conscient qu'on est en train d'exposer quelque chose d'un peu intime, des images de mon accouchement, ou etc., que je mets en ligne, dans un endroit que j'ai paramétré comme étant privé, mais auquel ont accès des amis d'amis, et qui potentiellement est quand même devenu, par exemple, propriété de Facebook. Même si je ne choisis pas de s'en servir parce qu'il y a bien d'autres choses à faire, mais qui potentiellement donc, sont rentrés dans le domaine public, en fait. L'autre élément sur lequel je voulais insister aussi, et que j'avais fait figurer dans les diapositives de la dernière fois, c'est la remise en question que les médias sociaux, ou certaines caractéristiques sur les médias sociaux et l'utilisation du numérique en général, donc certaines modifications, en fait, que cela entraîne sur un plan des théories liées notamment à l'utilisation, aux productions des médias et en particulier au travail journalistique. Donc ici, je vous ai mis remise en question du gatekeeping. Donc ça doit faire écho à des choses que vous avez déjà vues, enfin, je pense. Le gatekeeping, donc si vous deviez, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut définir ce que c'est ? Oui ? C'est pas un filtrage. Oui. Un filtrage dans le domaine des médias, par exemple. Ce qui va être du domaine, en fait, dans les news, ce qu'on va couvrir et ce qui ne va pas l'être. Oui. Donc, effectivement, en fait, ça renvoie à l'idée de filtrage des nouvelles et à l'idée de sélection. Donc, c'est notamment le rôle de gatekeeper, c'est un rôle qu'on associe de façon assez traditionnelle dans les théories de l'information et de la communication, notamment aux journalistes. Puisque ce sont eux, en fait, c'est le rôle donc, de portier de l'information, c'est eux qui vont choisir de laisser passer une information sur la scène médiatique, ou au contraire, juger qu'elle n'est pas digne d'intérêt ou elle n'a pas une valeur informationnelle suffisante pour aller sur l'espace médiatique. Donc, ce principe-là de gatekeeping, qui était traditionnellement rapproché du travail de journaliste, il fonctionnait sur l'idée de filtrage, donc de sélection des nouvelles, mais aussi sur l'idée de hiérarchisation de l'information, c'est-à-dire sur un ordre de priorité de ce que l'on doit potentiellement donner à lire ou à connaître au public, versus ce qui est de moindre intérêt ou qui encore ne devrait pas, ou qu'on juge comme ne devant pas, accéder à l'espace médiatique. Ces idées-là sur le gatekeeping, en fait, elles sont reliées à deux potentiels, deux attributs des journalistes, qui étaient l'attribut de légitimité de l'information. À partir du moment où une information est arrivée sur l'espace médiatique, ça veut dire que c'est une information qui, a priori, mérite d'être connue du public. Donc il y a un questionnement sur la légitimité de l'information choisie. Et donc sur la valeur en fait de l'information qui a été diffusée. Et il y avait aussi l'idée de caution de l'information. Ce qu'on diffuse, l'orientation de ce qu'on diffuse, a priori, on le cautionne, on l'endosse, on l'assume. Et en fait, ces notions-là de caution, de légitimité, elles faisaient écho aussi à des compétences de la part des journalistes de contextualisation et d'analyse, puisque dans la différence des genres journalistiques entre une brève, par exemple, et un reportage ou un article dans lequel on va interpréter des faits, les commenter, les mettre en perspective, etc. Ces notions-là de caution, de légitimité, de contextualisation, d'analyse, elle revenait en fait à un statut d'autorité qui était accordé notamment essentiellement aux journalistes. On voyait comme les professionnels des médias, les professionnels de l'information. Avec le développement d'espaces numériques comme les blogs, puis par après les médias sociaux numériques de façon plus développée, notamment de façon plus précise les réseaux sociaux, on a vu apparaître en fait des préoccupations sur la frontière entre professionnels des médias et amateurs, producteurs amateurs d'informations. Donc des gens qui s'autoproclamaient journalistes culturels, par exemple, parce qu'ils avaient ouvert un blog dans lequel ils couvraient l'actualité culturelle d'une ville, sans avoir forcément suivi de formation, mais ce qui était le cas de bien des journalistes, qui peut l'être encore un peu moins aujourd'hui, mais par contre sans avoir nécessairement une reconnaissance professionnelle de la part de pairs ou de la part d'un entourage dans lequel on s'est fixé certaines règles déontologiques, éthiques, etc. Donc en fait, il y a une forme d'autoproclamation de, en gros, portier de l'information, qui est que tout un chacun peut, potentiellement, devenir un gatekeeper parce qu'il a la capacité de donner, de choisir de l'information qui va être publiée et qui potentiellement va avoir une diffusion plus ou moins massive. Cette remise en question, ce questionnement-là sur le fait que le rôle de gatekeeper ne serait plus forcément rattaché aux journalistes, mais pourrait potentiellement être un rôle qui est tenu par certains influenceurs notamment, ou par certains producteurs amateurs dans des médias numériques, c'est un questionnement donc, qui a amené à poser une potentielle redistribution des rôles, et notamment question de redistribution des rôles par rapport à la notion d'agenda setting. Donc agenda setting, c'est lié au rôle du gatekeeper. Juste pour rappeler, pour que tout le monde ait la même définition, agenda setting, rapidement. Oui. C'est la mise à l'agenda, c'est-à-dire normalement, tous les matins, les journalistes sont en train de prendre une réunion pour discuter de tous les sujets qui vont figurer soit dans le JT, soit dans le journal, soit dans le décider aussi de la position où exactement un article va tomber, est-ce que ce soit sur la une. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu? Est-ce que tout le monde partageait cette définition-là? Est-ce que vous avez des nuances à y apporter? Oui. Je pense qu'il y avait une nuance comme quoi, honnêtement, on a un. Si on disait ce qui devait être mis en avant, ce dont on devait parler, mais pas comment on peut penser. Oui, exact. En fait, donc, deux éléments forment effectivement la définition. C'est l'idée de, effectivement, donc, mise à l'agenda, autrement dit, en fait, de dire, de donner au public ce qui doit être l'ordre du jour des thèmes importants à un moment précis. C'est ce qui va faire en sorte que, ben, quand c'est la période des Jeux Olympiques, on parle prioritairement des Jeux Olympiques. La semaine d'avant, on parlait surtout de bombardements en Syrie. La semaine d'après, ça continue, mais c'est les Jeux Olympiques, donc on change en fait l'ordonnancement des sujets dans la façon dont on les présente. Et effectivement, dans la notion d'agenda setting, il y a aussi cette idée qu'on ne dit pas forcément aux gens quoi penser ou comment traiter l'information qu'on leur donne, mais par contre, il y a quand même une idée d'établissement, en fait, de ce qui est censé être important comme thématique à un certain moment donné. Donc, quand on se questionne sur cette idée de rôle de gatekeeping qui peut-être s'est déplacé ou qui peut-être s'est multiplié ou démultiplié sur, à la faveur du numérique plutôt, il faut aussi penser en termes d'influence potentielle sur l'agenda setting. Ça veut dire que d'autres personnes que les professionnels des médias joueraient aussi un rôle potentiellement important dans l'ordre du jour, dans la liste des thèmes qui sont importants ou desquels on doit débattre à un moment donné de la société. Donc, cela fait, on va faire la pause, mais je vais finir sur ce point-là, cela fait écho aussi à une remise en question du two-step flow et du rôle d'éditeur d'opinion, puisqu'on passerait, notamment dans les espaces numériques, à une vision qui était développée déjà avant même le développement des médias sociaux concrètement, mais à une vision plutôt de multiple step flow. Donc qui, au lieu d'être conçu comme juste un émetteur, un média d'opinion, qui après ça va en fait répercuter une certaine information, teinter de son opinion auprès de son entourage informel, on passerait par donc une démultiplication de ces étapes-là. On va faire une pause de 5-10 minutes maximum. On reprend après. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, vous pouvez les poser pour le retour. Et au retour, on confirmera les diapos de la semaine dernière et on enchaînera aussi sur les bons commentaires sur le bout de bord que vous avez tous visionnés ensemble. Okay. Donc, on reviendra sur ce documentaire-là sur la notion de société du spectacle. De l'intime, ce que l'on souhaite partager, ce que l'on gère ou pas, c'était notamment une distinction entre les conversations et les opinions. Pour Cardon, ce que l'on nomme conversation, ce sont des interactions qui nous appartiennent. Autrement dit, hors ligne, par exemple, ce sont les conversations informelles que l'on va avoir avec nos entourages, avec nos amis, et qui vont rester plutôt de l'ordre privé. Il distingue ces conversations-là de l'ordre du privé, de l'ordre de l'appartenance plutôt à nos cercles informels, des opinions qui, pour lui, en fait, participent aujourd'hui à une injonction de visibilité, c'est-à-dire qu'on est incité à donner nos opinions sur la place publique. Donc les opinions seraient, avec le développement du numérique et avec la capacité à s'exprimer plus grande et plus accessible, les opinions seraient considérées comme devant être exprimées, comme devant être portées sur la place publique, et plus seulement donc gardées pour notre entourage informel ou pour nos conversations. Dans le chapitre que vous aviez à lire, il y avait un tableau sur lequel vous pourrez revenir notamment dans vos réflexions. Tableau page 40, tableau numéroté 2.1, dans lequel en fait Cardon justement revient sur cette distinction entre conversation et opinion, entre ce qui est plutôt de l'ordre du privé et ce qui est plutôt de l'ordre de ce que l'on, non seulement de ce que l'on porte publiquement, mais de ce que l'on s'attend à devoir porter publiquement. C'est-à-dire, ben, notamment quand on voit des débats sur des questions publiques, etc., qui ont lieu en ligne, où il y a une forte sollicitation, en fait, pour que le plus de monde possible s'exprime, interagisse, renforce les opinions, s'oppose à certaines opinions, etc., etc. Ça fait écho à ce que Françoise Pagliensegui vous disait la semaine dernière, notamment sur le fait qu'il faut être toujours présent. Et là, elle parlait, vous vous rappelez, d'une société postmoderne, du postmodernisme, dans laquelle donc il y a une omniprésence à assurer, même lorsque l'on n'est pas là. Il faut donc, par exemple, avoir fait un tweet dans lequel on valide l'article qu'on a mis en italien, ou dans lequel on le condamne, ou dont on extrait un mot-clé qui reflète notre orientation, etc. Et donc cette expression de la subjectivité, c'est-à-dire de ce que l'on, de l'opinion en fait qui nous habite, de nos préférences, elle va donc être exacerbée par l'accessibilité à laquelle donne lieu le numérique. L'autre chose qui va être exacerbée selon Cardon, c'est un phénomène phénomène, ou du moins une capacité à faire preuve de réflexivité. Alors, la réflexivité, c'est un terme que j'avais utilisé dans le premier cours de méthode de recherche. Je fais un peu des échos entre les deux cours, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des liens quand même entre les différentes classes qu'on vous donne. Le terme de réflexivité, donc, est-ce que certains d'entre vous, certaines, pourraient un peu définir ce que ça veut dire ou ce sur quoi ça met l'accent? Quand on parle d'être réflexif, d'une capacité réflexive, de faire preuve de réflexivité. Oui, peut-être remettre en question ce qui est dit. Remettre en question ce qui est dit. Avoir un esprit critique. Avoir un esprit critique. D'autres éléments, oui. La capacité à reconsidérer les choses que l'on pense par après. Effectivement, en fait, les éléments que vous avez donnés font partie de la définition de ce qu'est la réflexivité. La réflexivité consiste à une réflexion sur son expérience, sur ce que l'on a vécu. Et cette réflexion-là, elle débouche sur une évaluation analytique. Donc il y a effectivement cette capacité à évaluer ou à faire preuve de sens critique, qui, capacité en fait qui se développe une fois que l'on a vécu, une fois que l'on a expérimenté quelque chose. D'après Cardon, le numérique, en particulier les plateformes que sont les médias sociaux numériques, nous inciterait à davantage faire preuve de réflexivité dans la façon dont on se présente. C'est notamment, en fait, ça vous ai mis ici les exemples de manifestations. Ce qu'il veut faire remarquer ici, c'est en fait dans la façon dont on se met en scène, dans la façon dont on s'identifie ou dont on existe, dont on cherche à se faire connaître et reconnaître en ligne, dans les mondes numériques, il y a donc d'un côté l'aspect subjectivité ou le fait de donner son humeur, de donner notre anecdote du jour, de faire preuve d'humour, etc., de se dévoiler donc et valoriser. C'est le ton notamment du blog. Ça donc c'est la subjectivité. Mais d'un autre côté, l'aspect de réflexivité, on va le retrouver dans la façon dont on se raconte, donc dans le fait que les internautes vont faire appel à des effets de narration. C'est par exemple toutes les façons de rédiger nos posts, nos publications, en parlant nous à la troisième personne, ou en utilisant des tournures verbales, qui sont par exemple venir en cours et n'avoir qu'une hâte, c'est que le week-end commence, qui est donc une mise à distance en fait de ce que l'on est en train d'expérimenter, de notre propre expérience, mais que l'on raconte comme étant une expérience plus universelle, plus globale. Ces tournures verbales, ces façons de parler de soi à la troisième personne, etc., qui ne sont pas, et quand je dis parler de soi à la troisième personne, c'est pas un défaut de on se prend pour quelqu'un d'autre, on essaye de se faire pousser, c'est vraiment des sortes de tics d'écriture, en fait, qui se sont développés depuis de l'utilisation du numérique et notamment des médias sociaux. Et ça, en fait, ce sont, pour Cardon, des manifestations de la réflexivité. Parce que on écrit de telle façon, en utilisant des tournures verbales, ou etc., parce qu'on est sur telle plateforme sur laquelle il est devenu standard, il est devenu une convention, une norme, que d'écrire de cette façon-là. Ce qui veut dire que donc on prend sa propre expérience comme sujet de rédaction pour alimenter un espace médiatique. Donc il y a, d'après lui, une plus forte mise à distance qui se fait. Dans les préoccupations liées, ici c'est pour boucler l'idée d'identité numérique que l'on avait abordée la semaine dernière, dans cette idée d'identité numérique, il y a toute la préoccupation pour la réputation, ou la réputation en ligne, c'est-à-dire la e-réputation. C'est une préoccupation qui est d'un type individuels ou collectifs, notamment pour les entreprises. Donc ici, pour ce qui concerne la réputation ou l'irréputation, l'auteur sur lequel vous pouvez notamment vous appuyer, c'est Camille Alloin. Donc vous avez un texte cité qui est repris en bibliographie. C'est un des auteurs qui s'est le plus concentré en fait sur la façon dont on pouvait définir la réputation, en particulier sur le numérique. Donc en quoi est-ce que cette préoccupation pour la réputation en ligne, elle est particulière, elle doit être définie d'une façon particulière, ou en quoi c'est juste une transposition de la réputation en général. Ce que Alloin a mis en exergue, c'est le fait que, effectivement, a priori, notre réputation en ligne, notre e-réputation, à la base, elle fonctionne avec les mêmes éléments clés que notre réputation hors ligne, qu'on se construit au travail, dans notre cercle de famille, etc., etc. La réputation, elle se construit avec des éléments qui sont affectifs, c'est-à-dire des émotions en fait, que l'on va susciter, que l'on va engendrer chez d'autres, que l'on va rechercher. Elle se bâtit aussi sur des éléments cognitifs, c'est-à-dire des éléments de connaissance sur soi, que l'on va de façon rationnelle et discursive transmettre aux autres. Et elle se construit socialement par des interactions, en fait, avec notre entourage plus ou moins proche. Donc cette construction identitaire liée à la réputation, c'est une construction, en fait, que l'on va rapprocher d'une forme d'herméneutique de soi, qui va donner lieu ou qui va engendrer une certaine forme d'engagement de la part de notre entourage. Alors, le terme herméneutique, est-ce que c'est premièrement la philosophie ou les théories liées à l'herméneutique, est-ce que ce sont des choses que vous avez vues dans d'autres cours ? Je pose tout le temps la question parce que c'est vraiment pas ce que vous avez déjà vu dans des cours que j'ai. Ça vous évoque quelque chose? Non. L'herméneutique, c'est notamment en sociologie ou en philosophie un courant, en gros, d'interprétation de la société à partir de traces textuelles. C'est un courant qui émane en fait de l'exégèse, c'est-à-dire de l'interprétation des grands textes religieux qui formule au départ, en fait, une façon de connaître le monde, de se représenter le monde et son fonctionnement. Et donc, la tradition herméneutique, elle s'est développée à l'issue de la science donc, liée à l'exégèse, qui était cette étude des grands textes religieux. Et en fait, donc, c'est une analyse, une interprétation de textes, par exemple, de corpus, entre autres de journaux ou de traces discursives qui apparaissent dans des textes et qui vont faire en sorte qu'on va essayer de comprendre un état de société à travers les traces textuelles qui nous sont parvenues. Donc il y a une forme un peu d'archéologie liée à comprendre une société à partir de traces textuelles. Ici, dans le cadre de construction de la réputation, l'idée d'herméneutique, elle est rattachée au fait que par les émotions qu'on engendre, par les discours qu'on tient, par les messages qu'on envoie, par les interactions que l'on a, on offre des traces de ce que l'on est. Donc en fait, on donne des clés, en fait, des bouts de messages sur notre identité à notre environnement. Le mot herméneutique, il vient de Hermès, le messager des dieux. Il y a vraiment l'idée de message, essayer de transmettre un message. L'herméneutique, ce sont donc les traces d'un message qui a tenté d'être transmis. Et donc, ces traces-là, nous-mêmes, qui vont construire la réputation que l'on va avoir, vont donner lieu à une forme d'engagement de la part des acteurs qui nous environnent, par exemple, exemple, engagement plus ou moins positif, plus ou moins grand, en fonction du fait que notre entourage va percevoir qu'on a plutôt une bonne réputation, une mauvaise réputation, une réputation qu'on rapproche de sérieux, drôle, etc., etc. Donc, cette réputation-là, en fait, elle va influer sur les interactions que l'on va avoir avec notre environnement. Sur les médias sociaux, en fait, une des caractéristiques, ça va être que donc ces traces-là, on en est en partie des émetteurs volontaires, mais parfois, donc, il y a des sortes de traces, comme je disais tout à l'heure, numériques, de données, donc des data, que l'on a laissé traîner à droite à gauche par diverses expériences. Donc, il y a une sédimentation historique de notre identité qui est disponible ou qui se forme sur le numérique en particulier. Lorsqu'on parle de réputation en ligne, ce à quoi vous devez penser, c'est que c'est à l'idée de calcul ou du moins à l'idée de quantification qui va être liée à la réputation en ligne. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont abonnés ou ont leur compte de médias sociaux abonnés à des outils de calcul d'influence ou de calcul de score quelconque sur le web ? Dans son travail, dans un contrat, a déjà eu à utiliser ce genre d'outils pour voir la réputation d'une entreprise. Deux. Qui, de façon personnelle, a déjà regardé ses statistiques sur la fréquentation de son blog, le nombre de repartages de ses publications. Est-ce que vous connaissez le système Cloud? Est-ce que ça vous dit quelque chose? K-L-O-U-T. C'est un système qui avait été lancé en 2008 qui permet en fait d'agréger les données qui traversent, enfin qui sont reliées à différents comptes de médias sociaux. Généralement, en fait, on relie à Cloud son compte LinkedIn, son compte Facebook, son compte Twitter. En gros, mais on peut y relier bien d'autres choses. Ça a commencé en 2008. Le pic de Cloud a surtout été en fait en 2012 notamment. Et en fait, ça a suivi le pic de l'utilisation de Cloud a suivi un peu les campagnes d'Obama, dans lesquelles il a énormément utilisé les médias sociaux de façon stratégique et de façon plutôt réussie. Le calcul du cloud a été même intégré dans les procédures de recrutement de certaines entreprises, où en fait on cherchait à voir, donc le cloud quantifiait le nom, essayait de quantifier l'influence potentielle que vous pouviez avoir. Et donc il reliait ça à des niveaux d'expertise sur certains sujets. Et donc, il vous décernait des points. En fonction de ces points-là, vous aviez une réputation d'expert plus ou moins grande sur les plateformes numériques. Les grandes figures de cloud, c'était notamment, Obama a été, c'était calculé sur 100, ça existe encore. C'est calculé sur 100 et Obama donc flirtait entre 98 et 99. Justin Bieber était juste derrière. Kim Kardashian n'est pas trop mal non plus. Et Donald Trump commence. Il est à peu près aussi au même niveau. Ce qu'il faut, en fait, cet outil, Cloud, il est vraiment symptomatique de ce qu'on appelle la quantification. soi. Et donc de la conscience possible que l'on a de la fabrication de l'existence, en fait, de traces de notre mutation en nous. Donc cet aspect de quantification de soi, en fait, c'est une caractéristique pour les auteurs de la réputation en ligne par rapport à, au développement de la réputation hors ligne, donc au concept de réputation tel qu'utilisé hors médias numériques ou hors numérique. Donc, l'une des caractéristiques de la réputation en ligne et du côté numérique, ce serait en fait de redocumenter, d'avoir donc cette forme de sédimentation qui est beaucoup plus grande qu'à l'extérieur, parce qu'elle reste stockée à un endroit, et que donc elle va donner lieu, ou elle va donner lieu à des calculs qui sont facilités par la technique. Donc la technique va permettre des calculs sur la réputation de façon quasi automatisée, en fonction de certaines logiques, puisque Google Analytics se sert de certains critères en particulier. Est-ce que parce qu'une publication a été plus partagée, ça veut dire qu'on a vraiment plus d'influence? Pas forcément, mais c'est devenu un critère de calcul, en fait, de notre réputation en ligne. Donc la spécificité de la réputation en ligne, c'est justement donc cette capacité à être calculée, parce qu'il y a une mise à disposition de documentation à notre sujet. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la notion de irréputation, elle s'inspire, oui, elle reprend la définition de la réputation, mais qu'il y a ces spécificités qui s'ajoutent, donc deux quantifications, qu'il y a aussi une démultiplication potentielle un déplacement potentiel de la figure du leader d'opinion qui fait écho au déplacement ou à la démultiplication en fait du rôle de gatekeeper, de qui donc a la légitimité d'exercer de l'influence sur l'opinion publique dans les médias numériques. Est-ce que c'est clair? On voit des sourcils foncés, on est vendredi après-midi aussi. Ok. On l'a déjà évoqué, mais pour les usagers, en fait, il y a dans la façon de concevoir l'identité numérique et les possibilités du numérique des avantages qui sont liés à la notion d'émancipation. Donc, une forme de liberté plus grande, en fait. Le développement du numérique offrirait de plus grandes libertés d'expression, de présence sur la scène publique, de plus grandes occasions d'être visible, donc potentiellement de plus grandes chances d'exister ou de faire exister des causes auxquelles on tient. Et ça, ce serait lié donc aux critères d'accessibilité procurés par le numérique et également aux critères aux possibilités de participer au numérique qui sont plus grandes. Ça, ce sont des potentiels ou un potentiel d'émancipation qui est vu du côté des usagers, des utilisateurs du numérique. Du côté des organisations, des entreprises privées ou publiques, ici, le numérique offre, donc, il y a des avantages plutôt à travailler sur une irréputation. Il y a des possibilités de calculer. Donc déjà, une entreprise peut se targuer de disposer de telles capacités d'influence sur le numérique, parce qu'il y a des outils de calcul. Ce qui veut dire que les gens qui travaillent en communication dans une entreprise peuvent dire aussi aux dirigeants que les opérations de communication qu'ils ont faites ont réussi parce que le potentiel d'influence ou l'irréputation a augmenté de façon positive. Donc il y a pour les entreprises, en fait, une utilisation pratique et concrète des outils de calcul numérique qui est un avantage. Il y a aussi le fait que tout ce qui tourne autour de leader d'opinion, gatekeeping, etc., qui va un peu pouvoir se démultiplier, ça crée l'existence, ou ça aide l'existence d'influenceurs, d'ambassadeurs de la marque aussi, qui peuvent se développer sur le numérique, en particulier sur les médias sociaux. Donc il y a une amplification possible de l'irréputation d'une entreprise, parce que les internautes qui aiment bien une entreprise, par exemple, vont être invités à repartager telle information ou telle photo avec le hashtag de l'entreprise, qu'ils vont le faire, que donc en le repartageant, ça veut dire que leur communauté à eux est exposée au message et que leur communauté peut également encore repartager. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une capacité de faire grandir de façon exponentielle la réputation positive d'une entreprise. Ça veut dire aussi que si cette réputation elle est mauvaise, il y a une capacité exponentielle de faire circuler de l'information critique de façon négative sur une entreprise qui aurait commis une bévue, une injustice, etc. Avant de passer à la société du spectacle à guide de bord, je vous ai listé ici en fait les principes justement selon idéalement lesquels les organisations devraient dialoguer avec leur public sur les plateformes sociaux-numériques. Est-ce qu'il y a un souci dans les diapos ou dans les... D'accord. Donc ces critères-là d'existence, vous pouvez aussi les confronter à des cas que vous observez. Ils sont des idéaux que les personnes justement qui travaillent à développer le potentiel d'irréputation et de multiplication de la réputation positive sur les médias sociaux dans les entreprises, ce sont des critères qu'ils vont essayer d'utiliser pour maximiser les interactions avec les publics. Donc ces critères, c'est d'abord le critère de mutualité, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir idéalement une relation qui est réciproque, qui est basée sur des interactions avec ses publics. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'entreprise qui doit diffuser du message dans un principe de communication linéaire, de je veux faire passer un message du point A vers le point B, c'est je cherche plutôt à ce qu'il y ait une rétroaction, donc on est plutôt dans une perspective cybernétique de la communication. Cybernétique, on en avait déjà parlé. Le père de la cybernétique, Norbert Wiener. Donc, on est dans une perspective plutôt cybernétique de rétroaction, donc d'utilisation en fait d'un feedback, où on fonctionne sur un feedback entre entreprise, organisation et public avec lequel on interagit. On cherche une réciprocité. On est également censé communiquer pour exister correctement à son plein potentiel sur les médias sociaux. On est censé faire preuve de proximité. Autrement dit, on doit être, c'est pas tant proximité au sens de proximité géographique, mais on doit se rendre accessible. Il faut donc éviter par exemple le jargon, il faut essayer d'adopter le vocabulaire qui va être compris par notre public, il faut lui parler de choses dont on pense que ça va les préoccuper, ou alors il faut être à l'écoute de ce qui préoccupe le public pour en tenir compte. Bref, il y a donc cette capacité ou cet objectif d'être accessible et de tenir un discours qui est accessible. On doit faire preuve aussi, idéalement, d'empathie, c'est-à-dire d'une compréhension à l'égard des publics. L'empathie ou le critère d'empathie, il va notamment... Messieurs, est-ce que vous avez des détails à ajouter ? Le critère d'empathie, il va notamment se manifester dans des cas où des utilisateurs, par exemple, des clients d'une compagnie aérienne, sont bloqués dans un aéroport, l'avion devait décoller, il ne décolle pas, parce qu'il y a tel ou tel problème, etc., etc. Ils s'expriment sur Twitter pour marquer leur désarroi, et la compagnie aérienne leur répond en direct, leur dit qu'ils vont les rediriger sur le prochain vol, qu'ils vont les dédommager, etc. C'est, en fait, c'est la prise en compte, la compréhension d'un problème, et la prise en compte d'une plainte, d'une expression négative, notamment par une organisation. Donc on s'entend que ces critères-là, ils ne sont pas utilisés de façon désintéressée. Dans le cas d'une entreprise, ça veut dire qu'ils sont utilisés pour essayer d'être efficaces et de travailler une relation de confiance, de travailler une relation de fidélisation avec ses publics. Un des critères clés aussi qui va montrer qui est la trace qu'on essaye d'avoir une communication qui utilise le plein potentiel des médias sociaux, c'est de prendre des risques au sens de se dévoiler et donc de donner accès par exemple à de l'information qui d'habitude est plutôt à huis clos, qui est en coulisses, ou encore d'accepter ou de formuler de façon publique qu'on a fait une erreur. Donc reconnaître une erreur, ça fait aussi partie aussi de la prise de risque. Et cette prise de risque-là est d'autant plus grande que, comme on le voyait la semaine dernière, on est dans une société dans laquelle on n'a pas le droit de perdre la face. Donc il faut trouver une façon d'à la fois reconnaître ses erreurs sans perdre la face, donc de retirer quelque chose de positif de notre expérience, parce que justement, par exemple, on fait preuve d'empathie. En reconnaissant qu'on s'est trompé, on reconnaît que l'on a nuit à certaines personnes, etc. Bref, on fait son mea culpa, on essaye de trouver de façon compréhensive en fait, de se comporter, ou du moins de discourir sur les médias sociaux. Et enfin, le dernier critère d'existence sur les médias sociaux, qui participe aussi à une bonne réputation normalement, c'est celui de l'engagement, qui est, lui, relié à une participation active, engagement qu'une organisation va provoquer en sollicitant, par exemple, des avis de la part de son public, en invitant son public à donner son opinion sur une proposition de projet, sur une idée de logo, sur la nouvelle saveur de nouvelles, j'ai juste le mot en québécois, des croustilles, des chips, merci. Donc, une nouvelle saveur de chips qu'on veut lancer et dont le public en fait, va décider s'il préfère du piment ultra fort ou du fromage ketchup mayonnaise. Tout ça, en fait, ce sont des façons de susciter un engagement, c'est-à-dire une participation active. On n'attend pas du public seulement qu'il nous suive, qu'il soit abonné, mais bien qu'il interagisse de façon récurrente et fréquente pour entretenir une bonne réputation en ligne. Et donc ça passe par le fait de communiquer de façon récurrente, communiquer de l'information, communiquer, de s'adresser régulièrement à ses internautes de façon directe, offrir, donc permettre aussi et inciter à des interactions et offrir des services. Je prends l'exemple de la compagnie aérienne qui par exemple cherche à rembourser les personnes, les clients qui se plaignent, mais non seulement elle va les rembourser, mais elle va dire en ligne qu'elle les rembourse et que donc elle offre ce service-là. Donc ça donne, ça laisse une trace, ça documente en fait l'action ou le discours qui a été émis. Donc ça, ce sont des critères, des qualités en fait, qu'idéalement les entreprises, mais aussi les influenceurs par exemple, ou les personnes qui vont chercher à avoir une bonne réputation, donc une bonne réputation en ligne, devraient travailler ou développer. Donc c'est plutôt dans des choses qu'on développe pour avoir dans une vision potentielle ou dans une vision positive et avantageuse du numérique. Vous aviez à visionner pour aujourd'hui le documentaire de Guy Debord, La Société du Spectacle. Alors, question piège, qui a regardé le documentaire en question ? Deux, trois, quatre. Au moins appuyé sur play Qui a tenu plus de 5 minutes? Plus de 10 minutes? Donc, qui a tenu en entier? Il y en a. Ce qui veut dire aussi qu'il y en a qui n'ont pas du tout vu, donc qui ne savent pas du tout de quoi ça parle. Alors, pour ceux qui ont appuyé sur play, au moins au début, ce que vous retenez de ce documentaire-là, si vous deviez donc dire à vos camarades qui n'ont pas eu la chance et le bonheur de le voir, alors, de quoi il traite et quel est l'objectif du documentaire en question? Qu'est-ce que vous diriez? Oui. Je pense que c'est une critique de la société marchande et de la société de consommation. Et il appelle beaucoup ceux qui regardent, les camarades, etc. Il parle beaucoup du prolétariat. Et en gros, je pense qu'il lit son livre, tout comme ça, et on voit des images en relation avec la société marchande, etc. pendant tout le documentaire. Et il parle des situationnistes, dont je fais partie, je suppose, et qui posent cette critique de la société et qui sont ouverts anticapitalistes. Est-ce que là, parmi ceux qui l'ont vu, vous avez d'autres détails à ajouter, ou si vous deviez décrire la façon dont Guy Debord s'y prend pour faire passer son message dans les images qu'il utilise, par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a plu? On se parle le côté aussi. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce documentaire? Je ne pense pas qu'il y a... Oui. Effectivement, le contraste très fort qu'il y a entre son discours, qui est plutôt plus théorique, critique, notamment de la société marchande, mais aussi du patronat, etc., et les photos crues, les images crues qu'il met en scène, c'est vraiment, ça va dans le sens de la dénonciation de la femme objet. Tu dis, il n'y a que des femmes. Alors, c'est une dénonciation... mais qui est aussi un reflet de l'époque, si on remet ça en contexte. L'ouvrage de Guy Debord est sorti en 1967, le documentaire qui a été, le film qui a été réalisé de 1973. Donc, c'est aussi une période dans laquelle le corps des femmes, en particulier, était très utilisé, et notamment par la publicité, en fait. Il y avait une sorte de saturation, en fait, de l'espace public avec l'utilisation, notamment, des corps de femmes pour vendre des objets. Donc ça va tout à fait dans son objectif que de choquer un peu les spectateurs en mettant justement, en projetant des images qui sont parfois complètement, qui semblent décrocher en fait de ce qu'il est en train de dire, de tenir comme propos. Mais effectivement, c'est clairement fait pour choquer, ça va, on peut la raccrocher à une volonté de dénoncer la société marchande. Oui. J'ai pas très bien compris la logique, l'intérêt par lequel il amène ses propos, qui veuille choquer par les images de femmes à la limite, mais pourquoi amener ça de manière aussi ennuyante, monotone, et qu'on n'a pas du tout envie de regarder la fin au final? Puisque c'est quand même un sujet assez dénonciateur, et je comprends pourquoi il l'a amené comme ça dans le documentaire. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette interrogation sur un peu la forme choisie par l'auteur? Oui. Comme étant un publicitaire, vous avez entendu en particulier. En fait, ce que proposait votre collègue, c'est le fait que, comme il dénonce la société du spectacle, notamment tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est publicité, etc., donc l'envie de plaire, hein, finalement, lui-même, quelque part, pour faire passer son message, ne peut pas jouer le jeu, ou choisit du moins de ne pas jouer le jeu du discours qui va plaire, qui caresse dans le sens du poil, et qui correspondrait au canon en fait, d'efficacité publicitaire, par exemple, qui est que on détache une phrase clé et on la fait passer avec un punch, avec des images qui sont agréables, avec un format qui est facile à regarder, etc. Effectivement, ça peut expliquer, peut-être une explication de cette espèce de contre-pied qui prend en fait sur et la longueur et la façon dont c'est monté. Je pense aussi que si on remet dans le contexte de l'époque et dans le contexte intellectuel de l'époque notamment, il y a une tradition aussi de, chez les intellectuels de cette époque-là, un peu avant-gardistes ou qui sont critiques à l'égard de leur société, de justement refuser tous les codes liés à un côté esthétique agréable ou au côté œuvre en fait. Il le dit d'ailleurs d'emblée, à un moment donné dans le film, pour ceux qui ont tenu suffisamment longtemps, mais on pourra organiser une projection tous ensemble obligatoire à la fin pour savoir ça, en récompense du quadrimestre. Mais pour ceux qui ont tenu jusque-là, vers la moitié, à un moment donné, il dit jusqu'ici, ce qui jusqu'ici aurait pu être tenu comme une œuvre d'art cinématographique, ce qui aurait pu avoir le potentiel d'être reconnu comme ayant un intérêt cinématographique, va s'arrêter maintenant, c'est-à-dire que ça va être de pire en pire. Donc autrement dit, même ce qu'on pouvait rattacher à un objet cinématographique qu'on connaît, un produit cinématographique ayant une trame, ayant certains codes visuels qui sont plutôt agréables, ou du moins je trouve intéressants. Kelly et la voisine qui discutent en arrière. Merci. Désolée, hein, je dois faire avec les prénoms. Donc en fait, cette reconnaissance des produits culturels-là, il la refuse et il dit carrément en fait, aux spectateurs, ben, vous allez encore moins reconnaître finalement, je fais un produit qui s'appelle un documentaire, qui s'appelle un film, qui normalement est rattaché à l'industrie du cinéma, mais en fait je ne veux pas que ce soit un produit de cinéma habituel. Donc je vais encore plus m'éloigner de la forme, d'où la superposition d'images parfois qui sont discordantes, et l'utilisation aussi d'un ton. Alors c'est pas un artiste, c'est pas un ténor, c'est pas un personnage de radio, c'est pas un conteur non plus. Donc le ton monotone aussi vise un peu à souligner l'espèce de transe hypnotique dans laquelle la société de consommation plonger, dans le sens où l'offre de produits, l'offre publicitaire viendrait en quelque sorte anesthésier un peu notre esprit critique. Et le côté monotone est un écho en fait à cela. Parce que si l'on replace Guy Debord sur un plan théorique et sur un plan de théorie sociologique, notamment par rapport à la communication, c'est plutôt quelqu'un qui va se rapprocher de ce que l'on appelle l'école de Francfort. École de Francfort, normalement vous devez connaître peut-être certains auteurs qui y sont rattachés. Adorno, Horkheimer. En fait, ce sont les chercheurs qui ont travaillé notamment sur la personnalité autoritaire. Et il y a également Herbert Marcuse, ce sont des penseurs essentiellement développé leur critique dans les années 60. Enfin, 50, mais après ça, surtout 60, en fait, pour notamment Marcuse, qui, en fait, critiquait largement tout ce qui était phénomène publicitaire, et il voyait, en fait, dans le développement de la société de consommation, un problème qui était que, finalement, ça allait nous distraire de nos vraies préoccupations politiques. Et également, lui ici aussi le faisait remarquer, il y a dans le propos de Guy Debord un vocabulaire qui est très axé sur les travailleurs, le prolétariat, etc. Son idéologie était plutôt d'influence marxiste à la base, Et donc, il y avait une préoccupation vraiment pour les classes sociales et pour le fait que, potentiellement, la société de consommation, elle donne une illusion que davantage de personnes ont accès à davantage de choses, mais concrètement, elle entretient encore des clivages, notamment clivages en fait liés à l'argent ou liés à des codes venant du spectacle, donc à des perceptions, des constructions artificielles. Dans son... Ce qu'il faut retenir en fait de sa pensée, et lorsqu'on la met en regard avec le numérique, c'est surtout donc, au-delà de la préoccupation des classes, c'est le contraste entre unité et division, entre donc cette espèce de masse collective, qu'on va appeler par exemple la twittosphère, etc., et de notre côté, les sommes d'individualité, les spécificités de goût, le fait qu'on cherche tous à se distinguer, le fait que son compte Pinterest, on veut qu'il soit, on veut pas que ce soit un copier-coller des mots-clés de l'autre, etc. Donc il y a à la fois, il faut se distinguer, et de notre côté, on fait partie d'une grande masse, d'une grande collectivité. Donc il y a un paradoxe, en fait, entre unité et division, entre aussi, donc, séparation et ce côté... séparation au sens de on est des individus qui expriment des préférences, des opinions tranchées, etc. Mais d'un autre côté, on est aussi des communautés d'intérêts, de goûts, qui se rassemblent et qui s'unissent grâce au numérique. Donc en fait, il y a des phénomènes très opposés, très en tension, en fait, qui peuvent survivre sur ces plateformes-là. Et il y a aussi, chez Debord, à travers une mise en forme originale, on va dire, la dénonciation de ce qu'il appellerait une fausse conscience. C'est-à-dire, donc, fausse conscience dans le temps. Fausse conscience aussi du prestige, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment prestigieux. Et là, en l'occurrence, ce que lui dit, c'est devient prestigieux quelque chose qui est donné comme, à un moment donné, ayant une importance, quelque chose à la mode, en gros. Qui après ça disparaît. Mais si c'est à la mode à un moment donné, ça bénéficiera du prestige. Donc en fait, il y a cette forme de mode, cette forme aussi caractère éphémère, c'est quelque chose qu'il critique. Et également, il critique une fausse apparence de choix, parce que ce qu'il dit, c'est que même ce qui au départ est donné comme étant une alternative, donc une autre proposition, une autre façon de faire, qui est que par exemple on va s'habiller avec des jeans troués pour s'opposer au veston cravate, etc., ça va même devenir tendance. Et on va voir des jeans troués qui valent $2000 vendus chez des designers, etc., parce que c'est devenu une tendance. Donc en fait, il y a une façon de gober, toujours par cette société de consommation, les formes alternatives de culture, notamment, c'est précisément ce que c'est ce dont s'inquiètent en fait certains partisans ou certains tenants de la contre-culture, qui disent qu'en fait, à chaque fois qu'ils essayent de sortir du moule, finalement, ce qu'ils proposent comme modèle de vie, de pensée, de s'habiller, etc., c'est toujours récupéré en fait et ça devient toujours quelque part plus ou moins mainstream. Il y a donc un risque de banalisation, un risque d'homogénéisation, une forme aussi d'irréalisme ou de maquillage de la société, ce qui donnerait lieu, et là je l'ai dit parce que je vois qu'il est 4 heures, ce qui donnerait lieu donc à aux limites en fait de ces sociétés qui se mettent en spectacle, comme c'est le cas notamment sur les médias sociaux, comme on l'a vu avec la théâtralisation de soi, la mise en scène de soi, etc. Parce que donc, il y aurait des formes d'aliénation. Il fait que, on pense, et ça revient là encore un peu à l'idée que soulignait Mme Lacquin-Sylvie la semaine dernière, que il fait cela fait qu'on pense, qu'on contrôle, en fait, qu'on construit nous-mêmes notre identité numérique, nos liens, nos interactions, etc. Mais qu'en fait, il y a aussi une construction qui est technique, une construction qui est liée à l'existence même de la plateforme et aux logiques marchandes que ces plateformes-là soutiennent. Puisque ces plateformes, elles appartiennent à quelqu'un qui a été développé pour quelqu'un, elles sont là pour faire notamment du profit. Il y aurait donc chez les usagers, finalement, on voyait tout à l'heure un potentiel d'émancipation, etc., mais potentiellement une absence de contrôle, en fait, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on dit sur nous. Des accessibilités, comme on le verra avec le cours sur la fracture numérique, qui ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Encore faut-il se trouver dans une région du monde où on a accès, avoir les moyens d'accéder en tout temps, avoir les moyens d'accéder à du numérique de qualité, qui fonctionne, qui est compatible avec les exigences de notre employeur, de notre institution universitaire, etc. Et il y a un rapport à l'innovation aussi qui est très différent selon les personnes, selon notre entourage, notre éducation, une capacité financière, par exemple. Et pour les organisations, il y a aussi des limites qui sont notamment liées au fait que quand on conçoit nos publics comme étant des masses, des groupes bien définis, on pense pouvoir les contrôler, mais que finalement, en fait, un agrégat d'individus avec leurs spécificités devient moins facilement facile à concevoir, et qu'il y a donc aussi un contrôle limité sur sa réputation, sur ses discours publics et sur ce que les publics vont tenir comme discours sur nous. Alors ces notions-là, sur lesquelles je suis passée rapidement, l'aliénation pour les organisations, pour les usagers, à fond de contrôle, etc., on aura l'occasion de les voir un peu plus précisément dans d'autres cours. Mais si vous devez retenir quelque chose du guide de bord au-delà de la forme, c'est que donc, c'est, quand vous voulez critiquer des limites en fait du numérique en général, ça fait partie des auteurs auxquels vous pouvez faire appel par rapport donc à tout ce qui est un peu illusion, construction de multipliés et phénomène antinomique qui traverse le numérique. Alors, on va s'arrêter ici.